have a good time. So much fucking fun. Rocking at zero gravity through the Milky Way galaxy. Gonna be the thing of the century. So much fucking fun. Freaking at the speed of light. We're gonna do it right all night. So much fucking fun. C'était une figure majeure du disco boogie new-yorkais. Il vient du Bronx. C'est Richie Wicks qui a tant bossé avec les musiciens de chez Sal Soul Records. Arrangeur, producteur, compositeur et chanteur. On ouvre grand les portes de notre bon vieux club. So much fucking fun. Et ça touche Latino. Vous êtes sur Duo, bienvenue dans la nuit des temps. Thank you. C'est l'une des principales figures du jazz house en Australie. Il joue à Melbourne et c'est d'abord un bassiste et ça s'entend très très fort. Il ne se limite à aucun genre. Alors autant dire qu'Horacio Luna, eh bien oui, c'est notre cam. Luna Landing, nous sommes en 2020. La nuit des temps, Radio Duo. Geraldo Pino est originaire de la Sierra de Leone et c'est surtout un poète, un MC, un performeur qui sévissa à New York dans les années 70-80. Ses engagements et son spoken word ont fait la jonction avec la scène house. Et figurez-vous qu'en 2011, Motor City Dream, ensemble, lui rend hommage dans un mix mémorable. Et la reprise purement rythmique de ce Black Woman Experience est un pur chef-d'œuvre. Nous sommes à la fois en 1972 et en 2011. powerplay de la semaine nous emmène à la fois en Turquie et en Allemagne. C'est Peki Momes qui fait aussi du spoken words. Masmavi, ça signifie bleu profond en turc. Une immensité bleue. Alors on plonge, on est en 2025. La nuit des temps, l'international de la danse. On y va. Mais d'où vient ce son? C'est un remix de Music Sounds Better Review des Stardust. Stardust, eh ben rappelez-vous, c'était les proto Daft Punk dans les années 90. Ici, ça se remixe en The Music Sounds Better with Brothers and Sisters. Mais d'où ça sort? Tout ce qu'on sait, c'est que ça date de 2021 et c'est un vrai banger. C'est Black Rocks. Et ça, c'est pour Dan. Summertime with a cookout. Auntie in a rocking chair, she the lookout. We open like Waffle House in the cookout. Just seen a 40 try to put a book out. Yeah. extension cords. Dance moves hit like a stick on a tree. Dance moves hit like Grammy 93. Dance moves like 12 12s in the V. Dance moves hit like Gervonta Davis. Dance moves hit like my grandma made. Dance moves hit like AC in the heat. Dance moves hit like some funky feet. Dance moves hit like an alcoholic. Dance moves hit like stank breath when you talk. Dance moves hitting like 4-4 low. Dance moves hitting like a jab in a chokehold. She like, nephew, got many moves. My bitch dancing in some Jimmy Choo's. Dance moves damn near made the news. Dance moves hitting, they say it's a beast. La nuit des temps, Radio Duo. Dolores del Río, c'est le nom de l'actrice mexicaine la plus célèbre du cinéma muet à Hollywood. Et si le cinéma parlant a flingué sa carrière, c'est aussi un peu à cause de ses engagements communistes. Et même, avoir été la maîtresse d'Orson Welles n'a rien changé. Elle trouvera tout de même un second souffle dans le cinéma mexicain des années 40 et 50. Et en 2019, les expérimentateurs de Local Product lui rendent hommage. Nous sommes à nouveau à Los Angeles. Retour à Hollywood. La soul expérimentale de Pecky Momess. effective in changing lives. They'll work for you without fail if you're persistent in applying them. Make it happen. Make it happen. Make it happen. Make it happen. La nuit des temps, Radio Dio. n'était pas prêt. On n'était vraiment pas prêt pour ça. Mais qu'est-ce que c'est bien pour démarrer 2026. Percussion, Sundance. Déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Et on se souhaite de la dance, des passions heureuses, de la vie et du groove pour 2026. On se souhaite de poursuivre avec du son qui sonne encore mieux lorsque l'on est ensemble, tous ensemble, et pour se rassembler et faire bouger nos corps et nos esprits, eh bien, on a reçu ce soir les 1000 délices de Richie Wicks et son classique So Much Fucking Fun. So Much Fucking Fun aussi avec Horacio Luna et son atterrissage sur la Lune. Ou le Spoken Words de Geraldo Pino, remixé par le Motor City Dream ensemble. C'est Détroit. Piki Momes, depuis Istanbul, était notre powerplay de la semaine, lorsque soudain, Peter Digital Orchestra a balancé des jeux de mots et des jeux de langue, toujours dans une atmosphère clubbing. Black Rocks, ces mystérieux groupes, et non pas Black Box, a repris le hit des protos Daft Punk, Stardust, avec ce Music Sounds Better With, mais retiré le You de Stardust pour ajouter With Brothers and Sisters. Et c'est plus collectif. À la toute fin 2025, le Song For You de Mead s'est vu ajouter le flow de Eric Sniffew. Jenna nous a rappelé que Détroit est toujours sur la carte des bons sons au niveau mondial. Un détour par le cinéma muet mexicain avec Dolores del Rio, Coco Alfonso qui nous écoute depuis Puebla. Et un atterrissage tout en années 80 avec Wall Powers. Et tout de suite, c'était Cash. Bye bye 2025, sans trop de regrets. Et on espère continuer à s'amuser et à danser en 2026. À ne pas se laisser bouffer par les passions tristes qui ne manquent malheureusement pas en ce moment. Et on sort de notre bon vieux club en regardant le ciel de Saint-Étienne. La bonne vieille antenne de Dio qui continue à émettre du bon son, bien gratos et libre sur la ville. Et les étoiles qui nous accompagnent et brillent pour nous. Bienvenue à 2026. Buon annotte. Salut! La nuit des temps, l'international de la danse. روحني غبالة فرنسن الكوراند إمختفن زاد وزمه ونبري كيس على نتعيشي غنبسي في كراسل